Voici Guillermo Guiz. Tout sauf nature. Ça va, les amigos? Très bien. Mais ça y est, hein. J'ai eu 40 ans. C'est vrai, mais quand cher. Sérieux, ouais, c'est je suis le premier étonné, j'aurais jamais cru arriver jusque-là. Franchement, 40 ans, ça me paraissait tellement loin. Ça me paraissait tellement loin. Je me rappelle quand j'avais 38, 39, je me disais jamais j'arrivais jusque 40, vraiment. À 38, mes organes, ils se parlaient entre eux en mode bon, bah ça a été un joli voyage en tout cas. Merci pour l'abnégation. Je sais qu'ils ont fait un pot de départ. Il y a un neurone qui a pris la parole, il a dit aux autres bah, je vous ai aimé si fort, tous les 12. Vraiment, poignant. Sérieux, mon foie, ça fait 15 ans qu'il fait sa tournée d'adieu. Là. Il y a eu un Organ Music Award d'honneur, vraiment. C'est vraiment une surprise d'être arrivé jusque-là. Sur Instagram, quelqu'un m'a proposé d'aller dans un club échangiste. Pour fêter ça, je vous promets. Et je lui dis, bah, c'est con, on se voit lundi. T'aurais pu me le demander en face, Daniel, tu vois. C'est vrai. J'ai peur. En plus, il y a une différence entre être nu dans les bureaux, comme vous, et nu dans un donjon, tu vois. Va savoir s'ils ont un chauffage par induction, c'est pour être en slip et devoir porter des chaussons fourrées. Non, merci. De toute façon. Moi, j'ai clairement plus un corps pour me déshabiller en public, quoi. Même quand je suis chez le médecin, il me dit, vous pouvez remonter votre t-shirt. Je dis, oui, vous pouvez tamiser la lumière, s'il vous plaît. Un club échangiste, à un moment, quand j'étais plus jeune, j'avoue que ça aurait pu m'attirer, mais aujourd'hui, l'échangisme, à mon âge, je crois que je préfère juste le troc, en fait, vraiment, tu vois. Je peux vous présenter ma femme. Non, mais merci, par contre, si vous avez un gaufrier, vraiment, ce serait bien, quoi. Sérieux, c'est pas à 40 ans que tu commences l'échangisme, quoi, tu vois. Et oui, il y a Leïla, ok, mais bon, Leïla, c'est une exception. Sa vie, c'est les nouvelles expériences. L'autre fois, je mangeais chez elle, elle me dit, t'as déjà fait un chifoumi, mec, du Saint-Marcelin? J'étais là, oui, mais jamais dans un trampoline, tu vois. Leïla, faut la suivre, quand même, tu vois. Mais là, j'atteins un palier, quoi, 40 ans. Tout le monde me demande ce que ça fait. En fait, ça, physiquement, ça va. Je crois que c'est le seul avantage de la pandémie, tu vois, quand t'as pas le Covid, t'as l'impression d'être trop top, tu vois. Genre, je bande mou, mais je suis pas sous respirateur, c'est déjà ça, tu vois. Non, c'est moralement que c'est plus compliqué à gérer, parce que je sais que le meilleur est derrière moi, quoi. Ouais. En termes d'échelle du temps, si ma vie c'était les vacances d'été, là je serais plus ou moins le 17 août, je pense plus ou moins. Sauf que le 1er septembre, c'est pas la rentrée, c'est la mort. Et je remercie Fanny Ruet d'avoir coécrit cette vanne. Mais c'est vrai. On dit souvent qu'à 40 ans, t'es à la moitié de ta vie. Ça voudrait dire que je vais vivre jusqu'à 80 ans. Je crois qu'il y a plus de chances que le PSG gagne la Ligue des Champions avec 3 joueurs qui marchent. Vraiment, tu sais quoi? Pour arriver à 80 ans, t'es obligé d'avoir l'hygiène de vie de Nagui, quoi. Mais il faut une volonté de fer pour manger que des petits animaux crus. Vraiment, soi-disant, toutes les vitamines sont dans la fourrure. Ok, tu vois, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter 3 campagnes par jour, on a glissé, tu vois. Non, le meilleur, il est clairement derrière, tu vois. Mais j'ai trop picolé pour qu'il me reste de la mémoire. Du coup, j'ai même pas les moyens d'être nostalgique, tu vois. Il me reste 2 bons souvenirs heureux. Là, c'était mon autotest de ce matin, vraiment, tu vois. Si encore j'avais des perspectives, sauf qu'à 40 ans, c'est l'âge où normalement tu prends des grosses responsabilités dans ton boulot. Mais voilà, ici à la bande originale, tu vois. Imagine, je présente et je commence à poser des questions qui ont une durée normale. L'émission, elle tient en 25 minutes, hein. Faut repenser toute la grille d'inter. Ou même imagine, les invités peuvent commencer genre à développer. Mais vas-y, on s'en sort plus alors, tu vois. Hein, Nagui? Mais c'est vrai. J'ai compris. Non, au mieux du mieux, je vais rester chroniqueur. Mais bon, humoriste blanc, hétéro, cisgenre de 40 ans, putain, ouais. Y a personne qui se dit c'est ton moment, frère. L'avenir, il est pour toi. Tu vois, là, mon profil en termes de hype, c'est l'équivalent de l'expression non, mais allô, quoi. Vraiment, tu vois, j'ai croisé mon Discman dans une boîte en carton. Il m'a dit bah, je t'attends. Vraiment, c'est. Je lui ai dit mais non, mais je fais encore. Il m'a dit non, t'as eu 40 ans pour profiter. Allez, viens écouter ton CD de David Charvet. Vraiment, tu vois, il y a sérieux, il y a des révolutions formidables qui sont en train de se jouer là, mais elles se mènent très bien sans moi, quoi. Tu vois, tu crois qu'Alice Coffin, elle se dit on aurait bien changé le monde, mais on va pas le faire parce qu'on attend Ernesto, tu vois, non, personne, quoi. Genre, l'autre jour, je lisais le Figaro, parce que oui, je vous ai dit que je tiendrais pas jusqu'à 80 ans, mais on sait jamais, tu vois. Faut s'entraîner. Et il y avait un article qui était titré Antiracisme, idéologie LGBTQ+, décolonialisme, comment on endoctrine nos enfants à l'école. Ouais. Comment on endoctrine à l'antiracisme? Je me disais, en fait, je crois que ce serait plus simple d'être réac, tu vois. Il y a l'équipe de Zemmour, ils ont appelé mon agent, et apparemment, ils adorent mon profil, ils m'ont dit, chez nous, tu seras titulaire. Hein. Moi, j'ai dit, je préfère quand même la perspective d'être sur le banc dans l'autre équipe, franchement, et j'espère que vous avez capté la métaphore, sinon cette chute, elle a aucun sens. 40 ans ou pas, allez, bonne émission. Merci, Guillermo.